Chapitre 6e, la révélation du docteur Cavaroux. Lorsque Pedro Diaz, tout bouleversé de la confidence du docteur, l'eut suivi dans sa chambre, il lui dit vivement « Ainsi, vous pensez que la mort de mon pauvre maître, le duc de Clodion, est mort des suites de la piqûre d'une dent de serpent ?» Interrompit Cavaroux, « Du serpent le plus dangereux de tous, le copperhead ou tête de cuivre. » « Vous devez vous tromper, » répondit le Texien. « Ces reptiles sont très rares en ce pays, et dans tous les cas, si monseigneur en avait écrasé un, la dent n'aurait pu traverser l'épaisse semelle de sa chaussure. Non, mais on a pu l'y avoir introduite. »« Que supposez-vous là ?» dit Pedro en pâlissant. « Allez chercher les bottes de chat du duc, » reprit le docteur, « et nous les examinerons ensemble. » Pedro Diaz, frappé de la sueur du célèbre praticien, disparut et revint presque aussitôt avec les objets demandés. Cavaroux prit la botte gauche et la visita avec un soin minutieux. Le cuir était intact. Toutefois, cet insuccès ne le découragea point. Il choisit dans sa trousse un instrument à lame tranchante et l'enleva la tige de la botte de manière à la séparer de la semelle. « C'est là, dit-il, que nous devons trouver la preuve du crime. » Il prit alors une loupe, examina le cuir intérieur de la semelle et tout à coup il poussa une exclamation. « Que voyez-vous, docteur ? » demanda Pedro. « Regardez, » fit Cavaroux en lui passant la loupe. « En effet, j'aperçois quelque chose, » murmura-t-il. « On dirait que c'est une petite arête de poisson. Cette arête est tout simplement une dent de copperhead, vous croyez ? Je la reconnais à cette cannelure d'où le poison a coulé pour entrer dans la blessure. « C'est juste, » fit Pedro Diaz. « Mais ce que je ne m'explique point, c'est que cette dent ait pu pénétrer dans une semelle aussi épaisse. C'est ce qui prouve que mon soupçon est fondé et qu'il y a au fond de tout ceci un crime abominable, » répondit le docteur. « Du reste, je vais en avoir le cœur net. » Il prit de nouveau son instrument tranchant et il se mit à taillader la semelle autour de l'endroit où la dent du crotal était fixée. Au bout de quelques instants, il aperçut la cheville en bois de teck que Job avait introduit dans le cuir de la botte lorsqu'il était resté seul dans la sellerie. « Vous voyez que j'avais mille fois raison, » dit-il au Texien, en lui présentant la preuve matérielle du crime. Pedro Diaz était anéanti. Bientôt il sortit de sa torpeur, et le regard étincelant, il s'écria « Je connais l'assassin !» Et prompt comme la foudre, il s'élança hors de la chambre. Une grande demi-heure s'écoula sans qu'il reparût. Enfin il revint. « Eh bien ?» lui demanda Cavaroux. « Le misérable s'est enfui de la hacienda à la tombée de la nuit, et il est introuvable, » répondit le Texien. « Et quel est cet homme ?» Un ancien gamuccino que monseigneur avait pris hier à son service, sur la recommandation du bâtard. Sur la recommandation de Don José, interrompit le docteur d'un ton étrange. Je vous comprends, reprit Pedro. Mais le coup ne part pas de là. Certes, José ne vaut pas le diable. C'est une nature jalouse et vicieuse, mais il est incapable de commettre, même par la pensée, un acte aussi effroyable. Alors quel peut avoir été le mobile du crime de l'individu que vous soupçonnez ? Voilà le mystère, car monseigneur était estimé et adoré de tous les gens du pays. Mais ce mystère, si impénétrable que soient les ténèbres qui l'entourent, je le percerai, et je jure Dieu que la mort de mon pauvre maître ne restera pas sans vengeance. Pendant que cet entretien avait lieu entre Pedro et le docteur Cavaroux, et que Jean de Clodion veillait près de son père mort, Don José se rendait à l'écurie, sellait le cheval qu'il avait l'habitude de monter, prenait la clé qui faisait abaisser le pont-levis et s'élançait sur la route de San Antonio, escorté par la pluie, les éclairs et le tonnerre. 10 heures du soir sonnaient à l'église de la ville lorsqu'il s'arrêta devant la grille du châtelet de Carmela. Malgré l'heure avancée, on devait veiller encore dans le chalet car déjà de lumière s'échappait à travers les persiennes fermées. José sauta à bas de cheval et sonna bruyamment à 2 reprises. La vieille négresse vint lui ouvrir. « Il paraît que ta maîtresse m'attend, » lui dit le bâtard, « car je vois de la lumière dans son appartement. »« Ma maîtresse vous attend toujours, vous le savez bien, » répondit Alexis. Mais ce que la rusée servante se garda bien de dire, c'est que la belle créole n'était pas seule dans son boudoir. Elle était en grande conférence depuis quelques instants avec Maresco. Lorsque le capitaine s'était présenté devant elle, elle avait poussé un cri de joie. « C'est donc fait !» lui avait-elle demandé ensuite, sans autre préambule. « Le duc de Clodion doit être mort à cette heure-ci, » avait-il répondu. « Peut-être as-tu commis une imprudence en quittant aussi vite la hacienda. Ta disparition peut éveiller les soupçons. qui donc pourra reconnaître Job dans le capitaine Maresco ? Personne. Tandis que si j'étais demeuré plus longtemps là-bas, j'aurais couru grand risque d'être lynché au premier arbre venu. Comment cela ? Le hasard, ou plutôt le diable, a conduit juste à point un savant, un médecin, à l'hacienda. J'ai remarqué que la cause de la maladie du duc lui paraissait louche. Ma foi, tout brave que je suis, la peur m'a pris et j'ai joué de jambes. C'est différent, et tu as fait sagement, n'est-ce pas ? Et afin d'écarter tout soupçon, s'il était possible qu'on pût en avoir, j'ai eu soin, après avoir échangé ma vieille défroque de trappeur contre mon costume habituel, de me rendre à mon tripot et d'y faire quelques parties de montée. De cette façon, rien à craindre, je peux justifier d'un alibi. Ici, le faux Job s'était arrêté pour reprendre haleine, puis il avait continué en ces termes. « Maintenant, ma chère enfant, tu vas me faire le plaisir de me mettre au courant de tes projets, car on ne se débarrasse pas d'une manière aussi preste et aussi risquée d'un grand seigneur qui s'appelle le duc de Clodion sans de puissant motif. Je te passe la parole et je suis tout oreille. » Le bruit de la cloche avait interrompu cette conversation. « Qui diable nous arrive ?» dit Maresco en tressaillant. « C'est le bâtard !» fit la vieille négresse qui accourait annoncer cette visite à sa maîtresse, pendant que Don José attachait son cheval à un arbre. « Vite, vite, entre là, car il ne faut pas qu'il te rencontre chez moi par ailleurs !» dit la belle créole au capitaine Maresco. « Ce sera lui-même qui approuvera le plan que j'ai conçu et qui nous fera, toi et moi, millionnaires, avant peu de temps !» Et elle poussa l'aventurier dans un petit cabinet attenant à son boudoir. Presque aussitôt, Don José entra.